Dans le bureau de Guy. Ah, bonjour, monsieur Houbet. Bonjour, monsieur. Je suis très heureux de faire votre connaissance. Asseyez-vous, je vous en prie. Avant de parler affaires, vous allez me faire le plaisir de prendre un apéritif. Qu'est-ce que je peux vous offrir? Vous savez, je bois peu. Une petite goutte d'apéritif ne peut pas vous faire de mal. Non, mais dans mon métier, on vous invite sans arrêt à boire. Vous buvez un apéritif par ici, un digestif par là. Oui, je sais. Mais il y a des boissons plus ou moins fortes. Un doigt de bière ou de Saint-Raphaël n'a jamais fait de mal à personne. Naturellement. Alors, un Saint-Raphaël. Pouvez-vous nous apporter deux Saint-Raphaël, s'il vous plaît? Comment trouvez-vous Paris? Chaud et très calme. Mais même en été, la vie à Paris est trépidante en comparaison de Bordeaux.